Deuxième partie, chapitre 21 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Deuxième partie, chapitre 21, de la manière de bien communier. Commencez dès la veille de votre communion à vous y préparer le soir par plusieurs aspirations de l'amour divin, et vous retirez de meilleure heure qu'à l'ordinaire afin de vous lever aussi plus matin. Si vous vous réveillez durant la nuit, sanctifiez ces moments-là par quelques dévotes paroles ou par quelques doux sentiments qui pénètrent votre âme du bonheur de recevoir votre divin époux, car il veille sur votre cœur tandis que vous dormez et vous prépare les grâces qu'il veut vous faire abondamment s'il le trouve bien disposé. Levez-vous le matin avec cette ferveur de joie qu'une telle espérance vous doit inspirer, et après votre confession, allez avec une forte confiance et une profonde humilité prendre à la sainte table cette viande céleste qui vous communiquera l'immortalité. Après avoir prononcé ces paroles sacrées, « Seigneur, je ne suis pas digne », etc., ne remuez plus ni la tête ni les lèvres, soit pour prier, soit pour soupirer. Mais ouvrant médiocrement la bouche et élevant la tête autant qu'il faut pour que le prêtre puisse voir ce qu'il fait, avancez tant soit peu la langue et recevez avec foi, avec espérance, avec charité, celui qui en est tout ensemble le principe, l'objet, le motif et la fin. Ô Philothée, prenez, si vous voulez, cette douce pensée. L'abeille ayant recueilli la rosée du ciel sur les fleurs et leur suc qui est le plus exquis de la terre, en fait son miel et le porte dans sa ruche pour s'en nourrir. Le prêtre prend aussi sur l'autel le sauveur du monde, qui est le vrai fils de Dieu, descendu du ciel, et le vrai fils de la Vierge, sorti de la terre comme tous les hommes. Et il vous le donne pour vous servir de nourriture. Excitez alors votre cœur à venir faire hommage au roi du salut. Faites-lui, je vous le dis simplement et familièrement, tout le bon accueil qu'il vous sera possible. Contemplez sa présence en vous, et tout ensemble votre honneur. Traitez avec lui confidemment de vos affaires intérieures. Et le reste du jour, faites connaître par vos actions que Dieu est avec vous. Mais quand vous n'aurez pas le bonheur de communier réellement à la Sainte Messe, communiez-y au moins d'esprit et de cœur, vous unissant par le désir de la foi à la chair vivifiante du Sauveur. Votre grande intention dans la communion doit être de vous avancer, de vous fortifier et de vous consoler en l'amour de Dieu, car vous devez recevoir en vue de l'amour ce que le seul amour vous fait donner. Non, nous ne pouvons trouver le Sauveur dans aucun autre exercice de sa bonté, ni plus amoureux, ni plus tendre, que dans celui-ci, où il s'anéantit, pour ainsi dire, et se donne à nous comme nourriture, afin de pénétrer nos âmes de lui-même, et d'étendre cette union jusqu'au cœur et au corps de ses fidèles. Si le monde vous demande pourquoi vous communiez si souvent, dites au monde que c'est pour apprendre à aimer Dieu, pour vous purifier de vos imperfections, pour vous délivrer de vos misères, pour chercher de la consolation à vos peines, et pour vous souvenir de vos faiblesses. Dites au monde que deux sortes de gens doivent communier souvent. Les parfaits, parce qu'étant bien disposés, ils auraient grand tort de ne pas s'approcher de la source de la perfection, et les imparfaits, afin d'aspirer à la perfection. Les forts, de peur de s'affaiblir, et les faibles, afin de se fortifier. Les saints, pour se préserver de toutes sortes de maladies, et les malades, pour chercher leur guérison. Mais ajoutez que pour vous, étant du nombre des âmes imparfaites, faible et malade, vous avez besoin de recevoir souvent l'auteur de la perfection, le Dieu de la force, le médecin de votre âme. Dites au monde que ceux qui ne sont pas bien occupés de ces affaires doivent communier souvent parce qu'ils en ont le temps, et ceux qui en sont fort occupés parce qu'étant chargés de beaucoup de travail et de peine, ils ont plus souvent besoin d'une solide nourriture. Dites enfin que vous communiez fréquemment pour apprendre à bien communier, parce que l'on ne fait guère bien une action à laquelle on ne s'exerce que rarement. Communiez donc souvent, Philothée, et le plus souvent que vous pourrez avec la vie de votre père spirituel. Et croyez-moi, si le corps prend les qualités de la nourriture dont on use habituellement, comme nous le voyons dans les lièvres de nos montagnes où ils deviennent blancs durant l'hiver, parce qu'ils n'y voient et n'y mangent que de la neige. Croyez-moi, dis-je, vous verrez que nourrissant souvent votre âme de l'auteur de toute beauté et bonté, de toute sainteté et pureté, elle deviendra à ses yeux toute belle, toute bonne, toute pure et toute sainte. Fin du chapitre 21, deuxième partie.